Suivre l'œuvre du Saint-Esprit signifie comprendre la volonté de Dieu aujourd'hui. Agir selon ses demandes. Suivre le Dieu d'aujourd'hui. Obéir à ses exigences actuelles. Entrer par ses déclarations récentes. De telles personnes suivent l'œuvre de l'Esprit. Elles suivent le courant du Saint-Esprit. Peuvent voir Dieu, reçoivent sa louange. Elles connaissent le tempérament de Dieu, la conception, la désobéissance, la nature et l'essence de l'homme. Et en plus, leur tempérament sera changé pendant qu'ils servent Dieu. Des personnes comme celles-là sont les seules à pouvoir gagner Dieu. Des personnes comme celles-là sont les seules qui ont vraiment trouvé le vrai chemin. Connaître la plus récente œuvre de Dieu n'est pas facile. Si les gens peuvent intentionnellement chercher et obéir à l'œuvre de Dieu, ils auront la chance de voir Dieu et d'être sous la nouvelle direction du Saint-Esprit. Et en plus, leur tempérament sera changé pendant qu'ils servent Dieu. Des personnes comme celles-là sont les seules à pouvoir gagner Dieu. Des personnes comme celles-là sont les seules qui ont vraiment trouvé le vrai chemin. Ceux qui s'opposent exprès à l'œuvre de Dieu ne peuvent recevoir sa direction ni l'illumination du Saint-Esprit. La capacité à recevoir la dernière œuvre de Dieu dépend de la grâce de Dieu et de la quête des hommes. Elle dépend de leur intention.